Et par ici c'est pas la fête, on garde sourire malgré ce qui se passe. Par ici y'a v'là les traites, j'ai vote dans le check sans mal y passe. À croire qu'à qui si qu'ils enquêtent, la BST c'est des angoisses. Le temps qu'on perd dans la T6, c'est temps de construire 2-3 palaces. En ce moment c'est la misère, et trop d'amigos sous écrou. Des petits frères qui perdent la vie, pensez aux mères, moi je deviens fou. T'inquiète pas, on tient le coup, alors on n'est pas des incapables. Loin d'être victime, non, on est trop proche des coupables. Grandir dans des HLM, se côtoyer le voisinage. Algérie, Comoria, c'est ceux dans le besoin qui partagent. Ici c'est la merde tous les jours, y'a rien qui change, on s'habitue. Des gens je connais oublient leur sort, bah c'est devenu des sacrés putes, des sacrés pestes. C'est sans stress que ça te laisse poncer. 11-43 dans le four, tu les fais danser. C'est sans stress que j'encaisse, jamais renoncer. Je les sens les couleurs, gros, j'ai jamais forcé, ouais, ouais. Non, j'ai jamais forcé. Ikechi touche parce que le pétard est corsé. Moi je risque la montée. Mais jamais j'irai me servir des sorciers. Pour ceux qui font ce check, ils quittent jamais le ghetto. Pour ceux qui font le bien et qui finissent endettés. C'est pour tous les rats jusqu'il a jamais le béton. Pour ceux qui ont pas le choix, ils s'arrêtent plus de guetter. Pour ceux qui font ce check, ils quittent jamais le ghetto. Pour ceux qui font le bien et qui finissent endettés. C'est pour tous les rats jusqu'il a jamais le béton. Pour ceux qui ont pas le choix, ils s'arrêtent plus de guetter. Zoné ça rend fou, mais on est scotché à 100. J'ai plein de trop derrière, y'a la moitié à corbeau. J'y pense à la famille, c'est pas facile à gérer. J'y repense, tu deviens fou quand tu finis enfermé. Et quand tu fais le con, y'a même ta vie qui s'achète. Y'a ceux qui donnent l'info, y'a ceux qui envoient la l'air. J'aime ceux qui restent même quand ils sont à plus ou en paire. J'aime ceux qui restent même quand ils sont à plus ou en paire. Tellement qu'ils rongent les soucis, y'a même des qui la perdent. Tellement t'es dans le haram, on dit même plus fort que t'arrêtes. 6-9-2 c'est la jupe, on a grandi dans la mer. Un but mais sans limite, toi t'sais pas à ce qu'on s'apprête. À faire que du sale, j'en dirais même à la sauvette. C'est la recette, espèce de salvé Khamjet. Pour mon poteau Khamjon, pour dire Salem, ça clash sec. Non, c'est pas faste, j'ai connu chez les Handek. Avant Lyon, je voulais qu'on valide aussi. Mon sang dans le 7 et je les faisais tous danser. En ce moment, je fais que penser. J'ai pas la tête à vouloir vous ambiancer. Pour ceux qui font ce check, ils quittent jamais le ghetto. Pour ceux qui font le bien et qui finissent endettés. Et pour tous les ratus qu'il a jamais le béton. Pour ceux qui ont pas le choix, ils s'arrêtent plus de guetter. Pour ceux qui font ce check, ils quittent jamais le ghetto. Pour ceux qui font le bien et qui finissent endettés. C'est pour tous les ratus qu'il a jamais le béton. Pour ceux qui ont pas le choix, ils s'arrêtent plus de guetter.